إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا ثم وقلوبا غلفا، ورضي الله عن أصحابه الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، nous avions évoqué l'interruption de la révélation qui eut lieu à deux reprises. La première qui se termina par la révélation des versets de la sourate numéro 74, Ya ayyuhal muddathir. La deuxième qui se termina par la révélation de la sourate Al-Duha, Wad-Duha, Wal-Layli Ida Saja. Deux interruptions à deux périodes différentes avec des amplitudes différentes. Nous avions dit que les savants avaient divergé sur l'amplitude de cette première interruption. Certains la voient à 3 ans, d'autres 2 ans, d'autres 6 mois et d'autres quelques jours. Ce qui est le plus vraisemblable, Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam, est que cette première interruption n'était que de quelques jours. Et nous avions rapporté pour cela des preuves qui nous poussent à dire que cette interruption ne dépassait pas quelques jours. Après cette interruption de quelques jours, Allah tabaraka wa ta'ala donc révéla à son messager les versets suivants. قال الله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Dans le sens des versets, ô toi qui te couvres de ton manteau, ô toi qui t'enveloppes dans ton vêtement, lève-toi et avertis. La grandeur de ton Seigneur, exalte-la, proclame-la. Tes vêtements, purifie-les. Et de l'idolâtrie, éloigne-t'en. Ne te targue pas d'avoir beaucoup donné, en espérant en recevoir davantage en retour. Pour ton Seigneur, sois patient. Des versets lourds de sens. Car ces versets marquent le début de la prédication du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, à la suite de ces versets, devait d'une part avertir les gens d'un châtiment terrible et de propager le message, et d'autre part d'enseigner aux croyants les règles religieuses et la croyance, et servir de modèle dans cela. Comme le dit l'auteur du Nectar Cacheté, Saifur Rahman al-Mubarak Furi, il dit que ces deux premiers versets, Ya ayyuhal muddathir, kum fa'andhir, ô toi l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi et avertis, vont arracher le messager sallallahu alayhi wa sallam à la tranquillité vers les épreuves. Elles vont le sortir de son confort pour le confronter à la réalité de la vie, la réalité du message. En effet, tout messager, quel qu'il soit, fut confronté à une certaine partie de son peuple ou à son peuple en entier qui refusèrent le tawhid, qui refusèrent le message, qui s'enflèrent d'orgueil, qui le combattirent, qui le tuèrent, qui le bannirent de leur ville. Vous avez pour cela de nombreux récits du prophète à travers le Coran et la Sunna qui prouvent tout cela. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, va mener sa mission pendant 23 ans, endurant toutes sortes de préjudices, des préjudices moraux et des préjudices physiques. C'est pour cette raison qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui rappelle dans ses versets, à la fin, « Wali rabbika fasbir » et patiente pour ton Seigneur, comme pour le préparer à ce qu'il va vivre, à ce à quoi il va être confronté, sallallahu alayhi wa sallam. Il se doit de patienter face à cela, car il est sur la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, va donc s'appliquer à la tâche, en plaçant sa confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala, en appelant les gens au tawhid. Dans un premier temps, sa prédication fut secrète. Il invitait à l'islam toute catégorie de personnes, les jeunes, les vieux, les hommes libres et les esclaves, les hommes et les femmes, les noirs et les blancs. De chaque tribu, une ou plusieurs personnes répondirent favorablement à son message. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce nombre restait dérisoire face à la population de la Mecque à cette époque. Ce fut Abu Bakr, de son vrai nom Abdullah ibn Uthman. Abu Bakr, c'est une kunya, mais son nom est Abdullah ibn Uthman, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, des Bani Taïm ibn Mughra, qui est une des factions de Quraysh. Ce fut lui qui se convertit le premier parmi les hommes libres. Il se mit à la tâche et appela les gens lui aussi à l'islam et au tawhid. Va se convertir par son biais parmi les plus illustres des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala a voulu, comme pour honorer ce grand compagnon, que ces cinq compagnons que nous allons citer, inshallah tabaraka wa ta'ala, vont se convertir par le biais d'Abu Bakr. Et donc, on en conclut que Abu Bakr récoltera le fruit de toutes les œuvres vertueuses que feront par la suite ses compagnons. Car le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Ad-dallu ala al-khayri kafa'ili » Celui qui montre une voie de bien est exactement comme celui qui l'a fait. C'est-à-dire qu'il bénéficiera des récompenses au même titre que l'auteur de cet acte. De telle sorte que tu as ouvert une voie de bien, tu as montré à quelqu'un le chemin de la vérité, tout ce qu'il fera de bien viendra aussi agrémenter, incrémenter, remplir ton compte de bonnes actions. Va se convertir par son biais, Uthman ibn Affan, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, des Bani Abdimanaf, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdurrahman ibn Auf wa Sa'd ibn Abi Waqqas, tous deux des Bani Zuhra, qui, comme je vous le rappelle, est la tribu de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De ce fait, Abdurrahman ibn Auf wa Sa'd ibn Abi Waqqas sont tous deux des cousins maternels du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis il va se convertir sur son biais un des proches de la famille d'Abu Bakr, Talha ibn Ubaydillah al-Taymi, qui fait partie de la même faction que Abu Bakr dans la lignée. Va se convertir aussi par son biais Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid. Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid, qui est le neveu de Khadija et qui est aussi le fils de Safiyyata bint Abd al-Muttalib, la tante maternelle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De ce fait, Zubayr ibn al-Awwam est un compagnon très proche dans la lignée de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du prophète lui-même en étant son cousin et de Khadija en étant son neveu. Lorsqu'il se convertit, il avait 8 ans, certains ont dit qu'il avait 12 ans ou 16 ans. Quoi qu'il en soit, il était très jeune. Zubayr ibn al-Awwam, inshallah, on aura l'occasion de revenir sur ce compagnon et les autres à travers l'étude de cette sire. Pour quelle raison ses compagnons se sont convertis par le biais d'Abu Bakr dès les premiers temps? Car en réalité, c'était des amis ou des proches d'Abu Bakr et donc ils avaient pleine confiance en lui. Ils savaient, au même titre que le prophète, qu'Abu Bakr n'était pas une personne qui mentait ou qui divaguait, qui pouvait raconter des mensonges pour des biens de cette vie d'ici-bas, pour des intérêts personnels. Ils reconnaissaient l'intégrité d'Abu Bakr. De ce fait, ils l'ont cru. Abu Bakr, donc, fut le premier homme libre à se convertir et son islam fut plus bénéfique pour les gens que ceux qui l'ont précédé dans l'islam comme Khadija bint Khuwaylid, l'épouse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme Zayd ibn Haritha, qui était l'esclave affranchi de Khadija et qui est devenu le fils adoptif du messager avant que l'adoption ne fût interdite, et Ali ibn Abi Talib, qui a grandi dans la demeure du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui est son cousin. Ceux-là se sont convertis avant Abu Bakr. Mais l'islam de Abu Bakr a été plus bénéfique pour les gens que l'islam de ces trois, Khadija, Zayd et Ali. Pour quelle raison? Car les savants nous disent que Abu Bakr, radiallahu tabaraka, qui était dans la force de l'âge, était noble auprès de Quraysh, une personne qui était aisée et qui était aimée auprès des gens. Et donc, il appelait à l'islam matin et soir et dépensait de son argent pour cette noble cause. À cet effet, je voudrais vous rapporter un hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari sous le numéro 3661, qui nous montre les mérites, la prééminence de Abu Bakr sur n'importe quel autre compagnon, quel qu'il soit. Radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Aïd Allah, Abu Idris, rapporte que Abu Darda a dit: j'étais assis auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand arriva Abu Bakr, qui tenait le pan de son vêtement, relevé au point qu'on voyait ses genoux. En le voyant, le prophète s'écria: votre ami vient d'avoir une vive querelle. Le prophète a décelé, lorsque Abu Bakr est rentré, que Abu Bakr venait de se quereller avec une personne. Abu Bakr salua et dit: ô envoyé d'Allah, il vient de se passer quelque chose entre moi et Ibn al-Khattab, c'est-à-dire Omar Ibn al-Khattab. J'ai été vif à son égard, puis j'ai eu du regret, je lui ai demandé de me pardonner. Il a refusé. Et c'est pour cela que je suis venu te trouver. Abu Bakr, rempli de remords pour le fait que Omar ne lui a pas pardonné, est venu trouver l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour trouver une solution. Le prophète lui répondit: qu'Allah te pardonne, ô Abu Bakr. Qu'Allah te pardonne, ô Abu Bakr. Qu'Allah te pardonne, ô Abu Bakr. À trois reprises. Omar, s'étant ensuite repenti, se rendit à la demeure d'Abu Bakr et demanda si Abu Bakr était présent. On lui répondit que non. Alors Omar alla trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et le salua. Le visage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se renfrogna, se rembrunit à tel point qu'Abu Bakr, tout effrayé, se jeta à ses genoux et dit: ô envoyé d'Allah, c'est moi qui ai eu doublement tort. C'est comme si Abu Bakr avait voulu protéger Omar de la colère du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la moralité et la noblesse de caractère de ce compagnon. Ô envoyé d'Allah, c'est moi qui ai eu doublement tort. Tout en disant cela, Abu Bakr s'est jeté aux genoux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: Allah m'a envoyé vers vous. Et là, le prophète s'adressait à tous ceux qui étaient présents. Parmi eux, Omar, parmi eux, celui qui rapporte le hadith, Abu Darda, et d'autres. Allah m'a envoyé vers vous, s'écria le prophète, et vous m'avez tous dit que je mentais. Inna Allah ba'athani ilaykum faqultum kadabta. À quoi fait référence le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il fait référence au tout début de la révélation, lorsque la majorité des gens ont traité de menteur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'un petit nombre seulement l'ont cru, parmi eux Abu Bakr. Le prophète fait référence à cette période de l'histoire. Allah m'a envoyé vers vous et vous tous m'avez dit que je mentais, tandis que Abu Bakr a reconnu que je disais la vérité. Et il m'a donné l'appui de sa personne et de ses biens. Wa qala Abu Bakr sadaq wa wasani binafsihi wa malihi. Puis le prophète a dit cette phrase qui restera gravée dans les livres d'histoire jusqu'à la fin des temps. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِصَاحِبِي فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِصَاحِبِي. Ne laisserez-vous donc pas mon compagnon tranquille? Ne laisserez-vous donc pas mon compagnon tranquille? À deux reprises. À partir de ce moment, plus personne ne porta préjudice à Abu Bakr. Tout le monde reconnut la prééminence, le mérite d'Abu Bakr sur l'ensemble des compagnons. Pour quelle raison? Pour la raison qu'a évoqué le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'à un moment où tout le monde avait traité de menteur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr lui a cru au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il a secouru l'islam par sa personne et par ses biens. Radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Dans les premiers temps de la révélation et dès la révélation de ces versets de la sourate 74, Khadija radiallahu tabaraka wa ta'ala fut la première à embrasser l'islam. Nous reparlerons de Khadija en détail, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. L'évocation de ses mérites fait l'objet d'un cours complet. Khadija fut la première à embrasser l'islam. Puis parmi les vieux, il y a eu son cousin, Waraqat ibn Nawfal, selon un avis des savants. Puis parmi les jeunes, il y a eu Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète, qui était à la charge du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qui vivait chez lui. Abu Talib avait plusieurs enfants. Et comme le disent les savants, « Kana kathir al-iyal qalil al-mal » Il avait beaucoup d'enfants, mais peu de moyens. Il envoya certains de ses enfants chez ses proches afin qu'ils s'en occupent. Il envoya Ali ibn Abi Talib chez le messager, sallallahu alayhi wa sallam, comme il envoya Ja'far, son frère, et il le confia à Al-Abbas, frère de Abu Talib. Donc Ali, dans la demeure du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se convertit à l'islam. Parmi les mawali, les affranchis, il y a eu Zayd ibn Haritha ibn Sharahbil al-Kalbi, Hibbu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé de l'envoyé d'Allah. Son histoire à Zayd, c'est qu'il fut prisonnier du temps de la Jahiliya, au Shem, en Jordanie, en Palestine, en Syrie actuelle. Hakim ibn Hizam, le neveu de Khadija, l'acheta au Shem et le ramena comme esclave. Puis c'est Khadija qui le racheta. Et lorsque le prophète le vit dans la demeure de Khadija, il lui demanda de lui offrir en cadeau cet esclave. Et Khadija le lui offrit. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'affranchit et l'adopta. À une époque où l'adoption était encore permise, jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'interdira par la suite. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a laissé le choix à Zayd ibn Haritha de retourner chez son père ou de rester avec lui. Et Zayd décida de rester avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les premiers esclaves qui se sont convertis à l'islam, il y a Bilal ibn Rabah al-Habashi. Bilal ibn Rabah al-Habashi. Ce sont les tout premiers croyants. Dans la même période, s'est converti des illustres compagnons comme Abu Salama, Abdullah ibn Abdel Asad al-Makhzoumi, des Bani Makhzoum, aussi son épouse Ummu Salama, de son vrai nom Hind bintu Abi Umayyat al-Makhzoumiya. Ummu Salama deviendra une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam après la mort de son mari Abu Salama. C'est donc une des mères des croyants. Aussi va se convertir durant ses premiers temps Uthman ibn Mad'oun des Bani Husayn al-Jumahi al-Qurashi. Ce compagnon a une mise, une chose qui le distingue des autres, c'est que c'est le premier des émigrés qui mourra à Médine. Le premier des muhajirines qui mourra à Médine sera Uthman ibn Mad'oun radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Et il est le premier à être enterré dans le cimetière d'El-Baqi'a, le cimetière qui juxtapose la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, ce sont les tout premiers croyants, ceux dont Allah parle dans son livre. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, les tout premiers croyants parmi les émigrés. De qui parle-t-on ici? On parle de Abu Bakr, on parle de Khadija bint Khuwaylid, on parle de Zubayr ibn al-Awwam, on parle de Talha ibn Ubaydillah, on parle de Saïd ibn Zayd et sa femme Fatima, on parle de Abu Ubaydah ibn al-Jarrah, on parle de Abu Salama wa Ummu Salama, on parle de Zayd ibn Haritha. On parle de ces gens-là, des tout premiers croyants qui ont enduré l'épreuve, qui subit les préjudices de leur peuple à cause de leur religion. Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Uthman ibn Affan. Ce sont ceux-là dont Allah parle, tabaraka wa ta'ala, dans le verset de la sourate numéro 9, le verset 100. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Allah les agrée et il l'agrée eux comme seigneur, et Allah leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des rivières et des ruisseaux pour y demeurer éternellement. Voilà ce dont on parle actuellement. Durant cette période de prédication secrète, le messager sallallahu alayhi wa sallam se réunissait avec les croyants dans la demeure d'Al-Arqam ibn Abil Arqam, qui était jeune à cette époque, radiallahu tabaraka wa ta'ala, qui fait partie des Bani Makhzoum, qui est une des tribus puissantes de Quraysh. Cet homme avait laissé sa demeure à disposition du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah y retrouvait ses compagnons. Il leur enseignait le tawhid. Il leur enseignait la manière de se purifier, les ablutions, al-rusl, les grandes ablutions, la prière, les bons comportements. Il leur évoquait le paradis et l'enfer. Il leur apprenait à patienter dans les épreuves et à montrer de la fermeté dans cette voie-là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était tel un muallim, tel un enseignant, qui leur enseignait toutes ces choses qu'ils ne connaissaient pas. Cette prédication intensive dura presque 3 ans. C'est aussi durant cette période que Djibril enseigna au messager la manière de se purifier et de prier. Ceci nous est rappelé dans la sourate numéro 73. Sourate numéro 73, si vous lisez le dernier verset de cette sourate, Al-Muzzammil, Allah dit tabaraka wa ta'ala, Inna rabbaka ya'lamu annaka takumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Wallahu yuqaddiru al-layla wa al-nahar. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Verset 20 de la sourate 73. Dans le sens des versets, Allah dit: Ton Seigneur sait, certes, que tu te tiens debout moins de deux tiers de la nuit, ou sa moitié, ou son tiers. Le pronom personnel ici renvoie au prophète Mohammed alayhi salam. De même qu'une partie de ceux qui sont avec toi parmi les croyants. Allah détermine la nuit et le jour. Il sait que vous ne saurez jamais en faire le compte exact. Par conséquent, il a usé envers vous avec indulgence. Récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Il sait qu'il y aura parmi vous des malades et d'autres qui voyageront sur terre en quête de la grâce d'Allah et d'autres encore qui combattront dans le chemin d'Allah. Récitez-en donc ce qui vous sera possible. Accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakat et faites à Allah un prêt sincère. Tout bien que vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah meilleur et plus grand en termes de récompense. Et implorez le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Les croyants, lorsqu'ils priaient, priaient en cachette, dans des endroits isolés, dans les maisons et les demeures ou en dehors de la Mecque, afin de ne pas susciter la colère des mécréants. Dans sa grande sagesse, Allah tabaraka wa ta'ala a voulu que son messager fasse une prédication secrète pendant presque 3 ans. Et cela afin de préparer les gens, petit à petit, à ce qu'ils vont subir lorsque la prédication sera publique et ouverte. Il fallait que les compagnons soient prêts pour cela. Il fallait aussi qu'un plus grand nombre de croyants puissent agrandir et alourdir les rangs des musulmans au moment où la prédication deviendra publique. D'ailleurs, cela, comme nous le verrons dans les prochains cours, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, va s'avérer totalement vrai. La prédication publique va attiser l'animosité du peuple du prophète alayhi salam. Ils vont attiser leur colère. Ils vont augmenter leur orgueil et leur vanité. Et donc les préjudices en seront d'autant plus grands. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a voulu que cette prédication soit pendant 3 années secrète. C'est durant aussi cette période que la Fatiha, selon un avis des savants, fut révélée. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbuhu wa yarda wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.